Épilogue. Quelques jours après les événements que nous venons de raconter, un grand journal londonien publiait, avec une série de photographies sensationnelles, l'article suivant. Les espions Bosch démasqués. Téléphone et télégraphie sans fil. Pour détruire le Zeppelin Z-27, un héroïque officier de marine tire sur sa propre maison. Obéissant aux instructions de M. Bonarlow, le capitaine Monglas de la marine royale, à bord du contre-torpilleur de Vigilant, s'était aperçu que des signaux lumineux partant de la côte de Boston étaient adressés chaque nuit à des navires allemands se trouvant au large. Grâce à l'appareil de télégraphie sans fil installé à bord du contre-torpilleur, il put même surprendre un message annonçant la prochaine arrivée d'un zeppelin, et il comprit qu'il se trouvait en face d'une formidable organisation d'espionnage. Mais quelle ne fut pas la surprise de l'honorable officier en constatant que les signaux qui devaient guider les incendiaires et les tueurs de babies partaient de sa propre maison. Avec autant de sang-froid que d'habileté, il réussit à prendre sur le fait une espionne allemande, la fille Gretchen Norskild, qu'il avait prise à son service, la croyant norvégienne et trompée par les faux certificats dont elle était munie. Après avoir eu soin de garrotter l'espionne et s'être emparée du code de signaux dont elle se servait, le capitaine Monglas n'a pas hésité à laisser allumer le feu qui devait guider les Allemands dans leur déprédation. Puis, sûr de l'itinéraire que devaient suivre les pirates, il les a guettés, les a surpris au passage et salué d'une vigoureuse canonnade. Le Zeppelin, traversé par plusieurs projectiles des pièces anti-aériennes dont est muni le Vigilant, est venu s'abattre au milieu d'un tourbillon de flammes au-dessus même du cottage du capitaine Monglas. Celui-ci a continué de tirer sur le Zeppelin, et c'est au milieu des ruines de son habitation qu'a eu lieu l'incendie du dirigeable et l'explosion finale. Parmi les décombres, les carcasses d'aluminium et la ferraille des moteurs pulvérisés, on a retrouvé 15 cadavres complètement carbonisés. Seul celui du capitaine du Zeppelin a pu être identifié grâce à des papiers que l'incendie avait respectés et qui se trouvaient dans la poche intérieure de son uniforme. En continuant le déblaiement des ruines, on a également retrouvé le corps de l'espionne Gretchen, atrocement défigurée. Dans sa main crispée, elle tenait encore une poignée de paperasse chargée de caractères conventionnels et que deux des plus habiles employés du Foreign Office, spécialistes de ce genre de lecture, ont réussi à déchiffrer à grand-peine. Grâce à ces documents, grâce aussi à une indication du capitaine Monglas, on a reconnu que le cottage de l'honorable officier était secrètement relié par un téléphone à la grande brasserie Klugmann, qui avant la guerre employait un nombre considérable d'ouvriers allemands. L'enquête a été menée avec une rapidité et une habileté extraordinaires. Une heure à peine après l'explosion du Zeppelin Z-27, la brasserie était cernée par 6 escouades de policemen et tous ceux qui s'y trouvaient étaient mis en état d'arrestation. Hâtons-nous de le dire, toutes ces arrestations ont été maintenues et d'autres sont imminentes. La brasserie était un véritable centre d'espionnage. 42 ouvriers, ou se disant-elles, tous munis de faux papiers suisses, espagnols, hollandais ou scandinaves, ont été reconnus, les uns pour des ingénieurs, les autres pour des officiers d'artillerie allemands. La brasserie Klugmann était d'ailleurs une véritable forteresse, presque entièrement construite en acier et munie de plateformes bétonnées capables de porter de l'artillerie lourde. En outre, la police a saisi les deux appareils de télégraphie sans fil grâce auxquels les espions communiquaient à la flotte allemande les indications données par Gretchen que le poste de confiance qu'elle occupait dans la famille Monglas mettait à même de recueillir une foule de renseignements précieux sur la marine britannique. Inutile de dire que le capitaine Monglas, chaudement félicité par son chef direct, l'amiral Pearson, sera largement indemnisé des pertes qu'il a subies. Il a reçu de Sa Majesté le roi George, en même temps qu'une lettre autographe, un riche chronomètre orné de brillants et portant le blason du Royaume-Uni. D'un autre côté, l'équipage du The Vigilant et les braves canonniers qui ont descendu le Z-27 ont été généreusement récompensés. Nous sommes heureux de penser qu'après ce fructueux coup de filet, les pirates allemands, moins bien renseignés, feront dans notre pays des incursions de plus en plus rares. Que tout le monde déploie la même habileté et le même courage que le capitaine Monglas, et les incendiaires Bosch ne pourront plus faire grand-chose. Depuis plus d'un mois, Mrs. Manglas et ses enfants habitaient un hôtel de Boston, et malgré toute la gloire qui s'attachait au nom de son mari, la jeune femme ne pouvait penser sans un serrement de cœur à ce charmant intérieur, si coquettement, si amoureusement disposé pour le bonheur familial et maintenant réduit en cendres. L'espiègle Bob et la petite Kitty déploraient amèrement la perte de leur jardin, de leur petite salle d'études, de leurs croquets et de leurs beaux albums coloriés. Ils s'ennuyaient à l'hôtel, et il n'était pas de jour qu'ils ne couvrissent de malédiction la mémoire de cette coquine de Gretchen, qui avait si lâchement trahi ceux qui l'avaient accueillie sous leur toit et admise à leur foyer. Puis, le capitaine Manglas, devenu maintenant le commandant Manglas, était presque toujours à Londres ou à Douvres. Par les journées de pluie ou de brune, qui ne sont pas rares à Boston, la jeune mère se sentait envahie par une étrange neurasthénie, et les enfants eux-mêmes devenaient pâles et taciturnes. Enfin, lors de sa dernière visite, le commandant, sans s'expliquer autrement, avait donné à entendre que la restauration du cottage serait longue. « Tout cela est bien triste, » songeait mélancoliquement la jeune femme, dans le window de l'hôtel, en compagnie de ses enfants. Il laissait errer un regard attristé sur la mer bleue et grise, où cependant ce matin-là se jouait un pâle rayon de soleil. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Le commandant Manglas parut, éblouissant de dorure dans son uniforme flambant neuf. Son visage était rayonnant. « Habillez-vous vite !» s'écria-t-il. « On s'en va ?» demanda le petit Bob en battant des mains. « Oui, il y a une auto en bas. »« Où allons-nous ?» murmura Mrs. Manglas avec un faible sourire. « Vous allez voir !» dit le commandant malicieusement. 10 minutes après, l'auto filait à toute vitesse dans les rues étroites qui grimpent jusqu'au sommet de la falaise de Boston. Le commandant et Mrs. Manglas avaient échangé un regard d'une infinie douceur. Sans prononcer un seul mot, ils s'étaient compris. L'auto venait de stopper. Bob et Kitty demeuraient, émerveillés, n'en croyant pas leurs yeux. Ils se trouvaient dans le petit jardin du cottage paternel, restauré avec une si attentive minutie qu'on n'eût jamais pu supposer que quelques semaines auparavant, il était tombé dessus des obus de 420. Les enfants grimpèrent précipitamment à leur salle d'études. Tout était en place, les encriers en faïence peinte, les volumes à tranches dorées et les beaux albums pleins d'images. Mrs. Manglas se sentit doucement émue en voyant sur la cheminée du parloir une jolie coupe de Sèvres que son mari lui avait donnée lors de leur fiançailles et que, miraculeusement protégée par des poutres qui avaient formé voûte, on avait eu la chance de retrouver intacte parmi les décombres, sans même une fêlure. « Pourquoi ne m'avoir pas prévenu ?» murmura la jeune femme en tendant son front au commandant. « Je voulais vous laisser le plaisir de la surprise, et j'espère que maintenant, aucune espionne boche ne viendra troubler notre bonheur. » Ainsi s'achève L'espionne de la marine par Gustave Le Rouge.